Divers pays ont présenté du 15 au 17 les réponses du porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée données aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée sur l'élaboration aux États-Unis du plan de l'opération de raid aérien de précision contre la République populaire démocratique de Corée. Ces réponses ont été publiées en texte intégral ou en résumé par l'agence de presse TASS, la revue d'Internet Lemchichi, le homepage d'Internet Patrioti Moscova et les sites du groupe de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée et de l'Institut du Kim Il-sunisme Kim Jong-lisme de Russie, l'agence de presse iranienne INA, l'agence de presse américaine UPI et le homepage d'Internet du Comité brésilien pour la solidarité avec la République populaire démocratique de Corée.